Quoique vous n'ayez pas encore fait le mal, les mauvais esprits vous accompagnent. Commentaire. En général, les bonnes et les mauvaises actions naissent du cœur de l'homme. Si son cœur forme une bonne pensée, les mauvais esprits disparaissent. S'il forme une pensée coupable, les trois carrières malheureuses apparaissent devant lui. C'est pourquoi les bons et les mauvais esprits accourent vers lui, suivant la pensée qu'il a formée, sans se faire attendre un seul instant. Ainsi l'on peut dire que c'est l'homme qui s'attire lui-même le bonheur ou le malheur, et que la récompense ou le châtiment suivent chaque action humaine comme l'ombre suit les corps. Histoire de Cixi, qui vivait sous la dynastie des Yuan, était indigné de l'ingratitude d'un homme appelé Miu Qiu. Un jour, il se leva de grand matin, aiguisa son couteau, et alla pour le tuer. Il passa devant un petit monastère. Yin Yuan Kong, supérieur de ce monastère, vit une troupe innombrable de démons qui le suivaient. Quelques instants après, il vit revenir Cixi suivi d'une centaine d'hommes joyeux qui avaient chacun un bonnet d'or et une ceinture de jade, et portaient de brillants étendards. Yin Yuan s'imagina que Cixi avait été mis à mort. Le lendemain matin, il alla s'informer de ses nouvelles, et le trouva en bonne santé. « Pourquoi, lui demanda-t-il, êtes-vous sorti ce matin de si bonne heure et êtes-vous revenu aussitôt ?»« Miu Qiu, lui répondit Cixi, m'a montré la plus noire ingratitude. J'étais sorti de bonne heure dans l'intention de le tuer, mais je pensais que sa femme et ses enfants n'étaient point coupables, et que de plus il avait une mère âgée. Comment aurais-je pu lui donner la mort? Je renfermais ma colère dans mon sein, et je m'en retournais sans avoir exécuté mon dessein. Mon ami, lui dit aussitôt Yin Yuan en le félicitant, les dieux connaissent déjà votre conduite vertueuse. Vous obtiendrez de brillants emplois. Si l'homme qui a fait le mal se repent ensuite et se corrige, s'il s'abstient des mauvaises actions et accomplit toutes sortes de bonnes œuvres, à la longue il obtiendra la joie et la félicité. C'est ce qu'on appelle changer le malheur en bonheur. Histoire. Qiu Megaoctet était secrétaire d'un gouverneur de district. Il violait les lois et faisait périr des hommes innocents. Le peuple ayant dénoncé sa conduite, il s'enfuit dans une forêt profonde. Soudain il rencontra un Taoïste qui lui développa la doctrine de la raison, et discuta d'une manière claire et lucide les causes du malheur et du bonheur. Après l'avoir entendu, Wu fut touché au fond du cœur, il fondit en larmes, et fit, avec un repentir sincère, l'aveu des mauvaises actions de toute sa vie. Grâce au conseil de ce saint homme, il arriva à la perfection, et fut élevé au rang des immortels. Oyélien avait été dans l'origine un brigand redoutable. Étant entré une nuit dans un temple de Efo, il vit que la lampe de verre était sur le point de s'éteindre. Il tira son épée et coupa la mèche. Tout à coup, la lampe répandit une lumière éclatante. Yélien fut rempli d'effroi. Dès ce moment, il renonça au crime et pratiqua le bien. Dans la suite, il arriva à la perfection de la vertu. Chu Sheng y avait aussi commencé par faire le métier de voleur. Mais ayant un jour échoué dans ses projets criminels, il se retira sur le mont Chongnanshan, où il passait les jours et les nuits à gémir sur ses crimes passés. Un sage nommé Ping Qian eut pitié de son sort, et lui révéla les préceptes les plus secrets de la doctrine du Tao. Il les pratiqua avec un zèle infatigable, et finit par être admis au séjour des immortels. Ces exemples nous montrent qu'un magistrat corrompu et même un brigand forcené peuvent parvenir au rang des immortels. Ainsi la conversion et le repentir sont le meilleur moyen de faire notre propre bonheur. Malgré leur ignorance et leur aveuglement, les hommes du siècle savent bien qu'ils ne pratiquent point la vertu, mais ils ne peuvent ni rentrer en eux-mêmes, ni se repentir et se corriger. Ils s'en rapportent uniquement à des sorciers et se contentent des pratiques extérieures de la dévotion. Mais ils n'en retirent aucun fruit, parce que leur cœur ne s'est point encore dépouillé de sa méchanceté, et que les bonnes pensées n'y ont point jeté des racines solides. C'est pourquoi l'homme de bien est vertueux dans ses paroles, dans ses regards, dans ses actions. Si chaque jour on remarque en lui ces trois choses vertueuses, au bout de 3 ans le ciel ne manque jamais de lui envoyer le bonheur. Le méchant est vicieux dans ses paroles, dans ses regards, dans ses actions. Si chaque jour on remarque en lui ces trois choses vicieuses, au bout de 3 ans le ciel ne manque jamais de lui envoyer le malheur. Commentaire. Par l'expression Kijin, on entend l'homme de bien, Shenjin. Par les mots Yongjin, 22-23, l'homme méchant, l'homme vicieux, Ngojin. Eddy. B. Après avoir montré aux hommes le moyen de se repentir de leurs fautes et de se régénérer, Taishang, Lao Tzu, craint encore que ceux qui veulent pratiquer le bien ne sachent pas mettre la main à l'œuvre. C'est pourquoi il dit, l'homme de bien, tantôt raisonne sur l'étude du Tao, tantôt sur les effets des actions humaines, il ouvre le cœur des autres à la vertu, et il loue leurs bonnes actions. Ainsi toutes ces paroles, toutes ces expressions sont bonnes. Il visite les hommes vertueux, il aime à lire les ouvrages des sages et des saints, il revoit et publie des livres de morale. Ainsi il ne voit que des choses bonnes et louables. Tantôt il rend service aux hommes et fait du bien aux animaux, tantôt il sert le Dieu et faux et nourrit des religieux, ou donne à toute une contrée des exemples de vertu. Ainsi il ne fait que de bonnes actions. Si chaque jour il fait ces trois choses vertueuses, et qu'il y persévère pendant 3 ans, sans que son cœur se démente, sans que son ardeur se relâche, alors ses bonnes pensées s'épureront, et il amassera un trésor de bonnes œuvres. Les dieux feront un rapport favorable sur sa conduite, le maître du ciel l'approuvera avec joie, et ne manquera point de faire descendre sur lui le bonheur qui naît des richesses, des honneurs et d'une vieillesse avancée. Le méchant tient une conduite opposée. Tantôt il fait sans motif de terribles imprécations, tantôt il calomnie les sages et les saints, ou bien il fait naître parmi les autres des querelles et des procès. Ainsi toutes ses paroles sont mauvaises. Tantôt il regarde des objets déshonnêtes ou lit des chansons licencieuses, tantôt il rend visite à des hommes vicieux. Ainsi il ne regarde rien qui ne soit mauvais. Tantôt il commet un vol ou un adultère, tantôt il tue les hommes ou les animaux. Ainsi toutes ses actions sont mauvaises. Si chaque jour il fait ces trois mauvaises choses, et qu'il y persévère pendant 3 ans sans se repentir ni se corriger, alors la mesure de ses crimes arrive à son comble, et son châtiment ne tarde pas à être décidé. Les esprits et les démons l'observent d'un œil pénétrant, le maître du ciel entre en colère, et ne manque jamais de faire descendre le malheur sur lui, il le pousse dans un danger mortel, où il détruit tous ses descendants. D'ailleurs 3 ans font 1000 jours. Si un homme vicieux ne se corrige pas au bout de 1000 jours, on peut juger de ce qu'il fera pendant toute sa vie. Si celui qui s'étudie à devenir un homme vertueux suit fidèlement les principes que nous venons d'exposer, il n'éprouvera aucune difficulté à renoncer au mal et à pratiquer le bien. Comment ne s'efforcerait-on pas de faire le bien? Commentaire. Cette phrase résume la pensée de tout l'ouvrage. Celui qui fait le bien obtient toujours le bonheur pour récompense. Celui qui fait le mal reçoit toujours le malheur pour châtiment. Les hommes du siècle savent parfaitement qu'il est avantageux de faire le bien, mais ils le font sans ardeur et sans zèle. Ils savent parfaitement qu'il est dangereux de faire le mal, mais ils le fuient avec paresse et avec lenteur. Ils tombent dans une indifférence complète, et passent inutilement le reste de leur vie. Non seulement ils ne sèment pas une seule bonne action, mais ils laissent encore après eux un héritage de crimes qu'ils devront expier dans leur vie future. Ils sont dignes d'une profonde compassion. Comment ne s'efforcent-ils pas de faire le bien et d'éviter le mal? Ils pourraient appeler le bonheur sur eux échapper au malheur. Tout homme sage doit être pénétré de respect pour le livre des récompenses et des peines, croire avec une foi sincère les maximes qu'il renferme et les pratiquer fidèlement, sans craindre aucune difficulté, et sans se relâcher à la fin de sa vie du zèle qu'il a montré dans le commencement. Il doit, tous les matins, le lire à haute voix, et en méditer chaque phrase avec une sérieuse attention. Qu'il redouble d'efforts pour faire de bonnes actions, d'empressement et d'ardeur pour se corriger de ses défauts. Alors le bonheur viendra de lui-même récompenser ses mérites, et il finira par être élevé au rang des immortels appendices page, ligne 1, 6. Taichang, ou très sublime, est une expression par laquelle on désigne la doctrine de Tao de la raison. 2, 2. Nous croyons devoir citer le texte chinois de la première histoire, qui est d'une grande importance, puisque M. Abel Remusat y a vu le nom de l'auteur ou plutôt du compilateur du livre des récompenses et des peines. Autrefois, sous la dynastie des Song, il y avait dans la ville de Omeiyang, de la province de Sichuan, un homme dont le nom de famille était Wang et le nom personnel Xiang. Il avait toujours eu le projet de faire un traité de religion, mais différentes occupations l'en avaient empêché. Un jour, il fut saisi d'un mal inattendu, et il expira subitement. On était sur le point de l'enterrer, et sa maison retentissait des cris et des pleurs de ses enfants, quand tout à coup on entendit la voix d'un homme qui disait « Wang Xiang avait conçu le projet d'un livre sur les récompenses et les peines. Il faut qu'un dessin si utile soit mis à exécution. Qu'on le laisse aller, et qu'il soit rendu à la vie. À l'instant même, il fut ressuscité. Il vécut depuis jusqu'à 102 ans. » Monsieur Remusat dit en note, quoique l'auteur chinois n'ajoute rien sur la composition du livre des récompenses et des peines, le sens ne permet pas de douter que Wang Xiang n'en soit effectivement l'auteur. 6, 3. La sublime doctrine dit. 6, 4. Le malheur et la félicité ne sont point indifféremment abordables. 2, 25. J'ai vu devant un pavillon une foule d'hommes revêtus de haillons. La plupart étaient des paysans. 3, 1. Mais bientôt je vis paraître au milieu d'eux un homme assis dans le pavillon. C'était le génie d'une étoile, et il en avait la splendeur sur le visage. 3, 5. Tu te trouves en ce moment parmi des misérables morts de faim. 3, 6. Tu as toujours été pénétré de respect pour le livre des récompenses et des peines, tu peux reprendre courage. 4, 1. Il aperçut trois hommes debout dans une fosse. 4, 20. J'ai trouvé un juge qui tenait un registre et marquait avec un pinceau les noms qu'on y voyait écrits. 4, 21. En apprenant que j'avais vécu sans enfant. 4, 29. Un lettré nommé Yang Qin, qui aspirait à un grade plus élevé que le sien. Le moment n'était pas encore arrivé pour lui. 5, 6. Il grava en effet le 17e caractère de la première planche. Monsieur. Rémusa ajoute en note, il y a en chinois, Tichi Tiaoui Pan, le 17e caractère, une planche. Mais le sens demande qu'on traduise comme je le fais, car d'un côté on ne peut croire que la première page ne contint que 17 mots, et de l'autre, si la planche en eût contenu davantage, il eût dû avoir un rang inférieur, de sorte que la récompense eût été en raison inverse de la peine qu'il aurait prise, ce qui n'est pas supposable. 5, 8. Qui lui dit, j'ai vu, Chao, ce que tu as fait ce matin. 10, 8. Le nombre de ces périodes qui leur étaient assignées par le destin est diminué, la pauvreté, etc. 13, 3. Le boisseau du Nord, prince des esprits. 15, 5. Elle monte au conseil des magistrats célestes. 17, 2. Le jour où la lune est privée de lumière. 31, 4. Que celui qui désire obtenir une longue vie. 32, 2. Suivre la raison, c'est avancer, s'en écarter, c'est reculer. 39, 1. Quand on ne s'aveugle pas sur ce qui est mal, et qu'on ne se repose pas sur le secret de sa maison. 45, 2. Quand on fait des amas de vertu et des monceaux de mérite. 51, 2. Lorsqu'on a un cœur compatissant pour tous les êtres vivants. 51, 18. Il faisait rentrer les limaçons dans leurs trous, et chassait les poissons au fond de la mer. 53, 7. Quelques jours après pourtant, le gouverneur de Nanking l'examina et lui donna de gros appointements. Chang eut aussi de l'avancement. 54, 2. Lui apporta dans son bec une pierre précieuse d'une beauté parfaite. Bien plus, un de ses descendants à la 4e génération de 23e Kung. 55, 18. On doit faire attention aux animaux de toute espèce qui se trouvent à terre. 56, 2. Lorsqu'on est sincère, pieux, bon ami, bon frère. Confère. P. 58, L. 8, P. 62, L. 5, P. 63, L. 5. 70, 1. Monsieur. Rémusa a omis ce passage chinois. 77, 2. Se réjouir de son bonheur. 93, 2. Qu'on ne se targue pas de ses propres perfections. 95, 2. Qu'on publie le bien. 113, 1. Monsieur. Rémusa a omis ce passage chinois. 117, 2. On est protégé par la raison céleste. 124, 2. Toute impureté s'éloigne d'un homme qui agit ainsi. 126, 2. Les esprits et les intelligences lui composent une garde. 134, 2. S'il en a 100, la fleur d'Orient, le soleil, transportera son nom et sa gloire dans les contrées lointaines. Tongoa, Priator pour le soleil, est un dieu des Taosé. Seushinki, Liv. I, P. 11. 134, 4. Son bonheur ira jusqu'à la septième génération. 135, 2. Mais se mouvoir contre la justice et agir en tournant le dos à la raison. 138, 2. Être puissant et habile pour le mal. 140, 2. Être cruel et malfaisant dans les ténèbres. 148, 2. Ne point honorer ceux qui sont plus âgés que soi. 152, 2. Abuser de la crédulité des simples. 153, 2. Injurier ses compagnons. 155, 2. Répandre de vains mensonges et se plaire dans l'imposture. 157, 2. Attaquer ceux qui reconnaissent les mêmes ancêtres que soi. 161, 2. Se conduire avec cruauté et barbarie. 163, 2. Ne s'embarrasser ni du juste ni de l'injuste. 164, 4. Être toujours en deçà ou en delà des convenances. 169, 2. Maltraiter ses inférieurs et usurper leurs mérites. 172, 2. Flatter ses supérieurs et se jeter au-devant de leur volonté. 180, 2. Mépriser le peuple du ciel. 197, 2. Humilier les hommes honnêtes et déplacer les sages. 199, 2. Déshonorer les orphelins et réduire les veuves aux dernières extrémités. 205, 2. Faire le juste de l'injuste et l'injuste du juste. 209, 2. S'emparer d'une faute légère pour la aggraver. 212, 2. Redoubler de fureur à la vue des supplices. 219, 2. Embarrasser les autres dans ses propres péchés. 221, 2. S'opposer aux bons effets des arts libéraux et magiques. 223, 1. Monsieur. Rémusa a omis ce passage chinois. 223, 2. Faire sortir les insectes de leurs trous. 235, 2. Boucher les ouvertures où les oiseaux vont nicher. 237, 2. Blesser les femelles qui portent. 248, 2. Changer le bien en mal. 253, 2. Usurper les bonnes actions d'autrui. 254, 1. Monsieur. Rémusa a omis ce passage chinois. 261, 2. S'efforcer de diminuer ses richesses. 264, 2. Disperser la chair et les os. 265, 3. À la fin, Mon mari a résolu de me vendre pour pouvoir vivre, mais je ne puis oublier les bontés qu'il a eues pour moi, et toute la journée je pense aux bienfaits dont il m'a comblé. Un jour, peut-être, ma douleur se calmera, et je pourrai m'habituer à servir un autre homme. Mais permettez-moi de me livrer à mon chagrin. » Kong en eut compassion, et ne voulut pas être cause de son malheur. Dès le lendemain matin, il la reconduisit à son mari, et non seulement il ne voulut point reprendre le prix qu'il avait payé, mais il leur fit encore présent de santal, pour les aider à vivre. 267, 2. S'emparer de ce qui fait le bonheur des autres. 273, 2. Railler et insulter, et vouloir toujours avoir le dessus en tout. 275, 2. Disperser les épines et sang. 278, 2. Brouiller les ménages. 282. Monsieur Rémusa a omis le mot Kéou par des voies illicites. 283, 2. Si l'on obtient son pardon, n'être touché d'aucune honte. 285, 2. Endurer patiemment les bienfaits. 287, 2. Rendre le mal et faire épouser l'infortune. 289, 2. Dans le commerce, exagérer le mérite de ce qu'on veut vendre. 294, 2. Défendre ce qu'on a soi-même d'imparfait. 296, 2. En imposer et gêner par une vaine affectation de majesté. 302, 2. Immoler et préparer des victimes, sans avoir égard au rite établi. 312, 2. Nuire et faire du mal aux animaux. 314, 2. Briser la maison d'autrui. 319, 2. Troubler les lois pour détruire les mérites des hommes. 321, 2. Disperser les meubles pour appauvrir les ménages. 323, 2. Souhaiter la chute de ceux qu'on voit florissants et honorés. 327, 2. Concevoir de mauvais désirs, en jetant les yeux sur les femmes qui appartiennent à autrui. 327, 5. Il y a dans le chinois, semei, mot à mot, belle volupté. Note de monsieur Rémusa. 329, 6. Un certain Li Tang était à 18 ans second bachelier de sa province. 10 ans après, pourtant, il n'avait pu prendre aucun degré. Il alla consulter un devin, et lui demanda ce qui lui arriverait jusqu'à sa mort. Le devin était un homme du premier mérite. Il se rendit à la cour céleste. 329, 17. Le souverain seigneur avait marqué la naissance de Li Tang avec le sceau de pierre de Yu. À l'âge de 18 ans, il devait être second bachelier. À 19 ans, second docteur. Mais par malheur, dans le temps qu'il était second bachelier, n'ayant pu s'arranger avec son père, il le fit jeter dans une prison. Par suite de cette action, il fut abaissé de 2 points, et son nom se trouva n'être plus que le 29e. 329, 28. Il fut alors abaissé de 3 points, et son nom fut le 38e. 331. En conséquence, il s'est vu privé de ses revenus et de ses emplois. 334. Il consume la vie qui lui avait été assignée. Comment peut-il espérer de monter en grade? 331-19. Il la vit et s'abandonna à la passion qu'elle lui inspira. 331-22. Mais faisant réflexion au risque qu'il allait courir, il craignit de se laisser entraîner à quelque mauvaise action. 332-4. L'autre, qui avait obtenu un degré assez élevé, dit à ce sujet. « 332-6. Je serai en ce moment couché sur la liste des esprits impurs. 343-3. Dissimuler les bonnes qualités qu'on aperçoit dans les autres. 345-2. Donner le cauchemar. Monsieur. Rémusa a omis l'expression maïku, ligimomini et figiem occultar. 346-18. Comme il n'en tirait aucun profit, il résolut de l'abattre. 346-19. Il n'en put venir à bout, parce qu'il y avait un charme sur cet arbre. Il fit venir un magicien pour rompre le charme, et pendant la nuit il enfonça dans l'arbre des clous empoisonnés. 347-2. S'indigner contre les traditions des sages. Monsieur. Rémusa a appris le mot fou, maître, du texte chinois, pour le mot tsechuan, tradition. 352-2. Arraché par la violence. Monsieur. Rémusa a omis les mots kiankyu. 356-2. Aimer la rapine et se plaire dans le brigandage. 361-2. S'avancer par la flatterie et le mensonge. 363-2. Être inégal dans les récompenses qu'on accorde et dans les punitions qu'on décerne. 367-2. Tourmenter et punir injustement ses subordonnés. 367-2. Animer les querelles. 379-2. Porter le mensonge jusque dans la société de ses amis. 386-2. Oublier l'antiquité pour les nouveautés. 392-2. Être artisan de calomnie et insulter les hommes paisibles. 394-2. Corrompre la droiture. 396-2. Monsieur. Rémusa a omis les mots tsechingqing, se dire un homme vertueux. 398-2. Rejeter toute soumission et prendre pour règle l'esprit de contradiction. 402-2. Rendre le ciel et la terre témoins des plus viles pensées. 412-2. Avoir des prétentions au-dessus de son état. 415-2. Entreprendre au-delà de ses moyens. 420-2. Souillère les aliments et affamer les hommes. Il y a en chinois nourrir. 422, 2. Les embarrasser par de fausses doctrines. 422, 17. On fait croire aux gens de distinction qu'ils deviendront Dieu ou génie tutélaire, les autres obtiendront par la suite des magistratures ou des emplois. 422, 28. On a fait défense aux magiciens de se servir de leurs pratiques mystérieuses et d'employer des paroles secrètes.